laisse la réunion pour moi, ben ça va yo bon musique. On bel dit qu'à fond des chaînes et qu'à baille au l'aspect cadence. Il m'a délicat gardé moi, il pise et hypnotise moi. Avaler un bourbon et ça qu'à mettre en condition. Jalité tout ça qui n'y a fait. La cafoune j'akone dit qu'a laissé tisozo chanter. Malgré un certain feeling, dans un grand super standing, il n'y a solution pour lui pédir. Moi amé ou Golé Oulé. Ça va yo bon musique. On bel dit qu'à fin de chaîne qu'à baille l'aspect cadence. Il met délicat gardé moi, il besoin hypnotiser moi. Avaler un bourbon et ça qu'à mettre en condition. Oh,